Et on jouait, moi et mes frères, et puis mes connationaux, on jouait à l'équipe de football. On a joué jusqu'à la deuxième ligue. Nous, on jouait, on s'entraînait dans la rue, la colonie italienne. Il n'y avait pas de terrain. Il y avait le Verdon, Verbotte. On a demandé d'adhérer à l'association des sociétés locales. Ils se sont réunis, ils ont dit non. Donc, tiens-moi compte que c'était la période des années 70, 75, Spartzenbach. La colonie, c'était la période de grande arrivée. Hein. Ils nous ont dit non. Donc, on n'avait pas accès au terrain de football. Nous, on s'entraînait. Il faisait froid. Des shorts. Hein, dans les rues, jusqu'à Chavannes. On n'avait pas accès aux salles de gymnastique où ils s'entraînaient l'hiver. Donc, on avait un rapport, même sportif, d'une agressivité incroyable. Donc, pour nous, gagner un match de football, c'était gagner peut-être une dignité. L'équipe de football de la colonie, qui existe toujours, s'appelle Azzurri Lausanne. Ils sont dans l'usine, dans le restaurant de l'ancienne usine Iril, la rue du Temple. Au rez-de-chaussée, commence la rue du Temple, puis à l'ancienne usine Iril, et vous rentrez 7 et 9, rue du Temple, vous rentrez la porte principale et la vitrine. À droite, on monte pour les étages, au 9, à gauche, le 7. Là, il y a la vitrine de la colonie italienne, vous poussez la porte, puis c'est l'ancien restaurant du boulot dodo, usine pour les ouvriers de l'Iril.